Une manifestation protestataire aux manœuvres américano-sud-coréennes qui résolvent et aigle contre la République populaire démocratique de Corée a eu lieu le 4 devant l'ambassade des États-Unis en Grande-Bretagne. Y ont pris part les personnalités du nouveau Parti communiste de Grande-Bretagne, de l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun, du Cercle britannique d'études des études Jutsu et de l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et d'autres habitants. Le président de l'Association d'études de la politique de Sun Gun a exigé des États-Unis de cesser sans tarder les exercices de guerre visant la première frappe nucléaire contre la Corée et de retirer de la Corée du Sud toutes leurs forces d'agression. Au cours de la manifestation, on a donné lecture de la communication du porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée sous thème « Notre armée mettra en pièces impitoyablement par le moyen de l'arme nucléaire de la justice les menées de guerre nucléaire des agresseurs ».